بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lorsque le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leurs eaux et que les tombes seront retournées, toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli et ce qu'elle aura omis de faire. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement et façonné selon la forme qu'il a voulu. Malgré tout, vous niez la venue du jour du jugement. Certes, des gardiens veillent sur vous, de nobles scribes, qui savent tout ce que vous faites. إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. En vérité, les vertueux connaîtront la béatitude, tandis que les débauchés seront en enfer. Ils y brûleront au jour du jugement, et jamais ils n'en sortiront. Et qui te dira ce qu'est le jour du jugement? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour du jugement? C'est le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement tout entier appartiendra à Dieu.